Exode chapitre 2. Or un homme de la maison de Lévi s'en alla, et prit une fille de Lévi, laquelle conçut, et enfanta un fils, et voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois, mais ne le pouvant tenir caché plus longtemps, elle prit un coffret de joncs, et l'enduisit de bitume et de poix, et mit l'enfant dedans, et le posa parmi des roseaux sur le bord du fleuve. Et la sœur de cet enfant se tenait loin, pour savoir ce qu'il en arriverait. Or la fille de Pharaon descendit à la rivière pour se baigner, et ses filles se promenaient sur le bord de la rivière, et ayant vu le coffret au milieu des roseaux, elle envoya une de ses servantes pour le prendre, et l'ayant ouvert, elle vit l'enfant, et voici, l'enfant pleurait, et elle en fut touchée de compassion, et dit, « C'est un des enfants de ces Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Irai-je appeler une femme d'entre les Hébreux, qu'allait, et elle t'allaitera cet enfant. » Et la fille de Pharaon lui répondit, « Va. » Et la jeune fille, le s'en alla, et appela la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant, et me l'allaite, et je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant, et l'allaita. Et quand l'enfant fut devenu grand, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il lui fut pour fils, et elle le nomma Moïse, parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Or il arriva, en ce temps-là, que Moïse, étant devenu grand, sortit vers ses frères, et vit leurs travaux, il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères, et ayant regardé ça et là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et le cacha dans le sable. Il sortit encore le second jour, et voici, deux hommes Hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Lequel répondit, « Qui t'a établi prince et juge sur nous ? Veux-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moïse craignit, et dit, « Certainement le fait est connu. » Or Pharaon, ayant appris ce fait-là, chercha de faire mourir Moïse, mais Oïtrémaesse s'enfuit de devant Pharaon, et s'arrêta au pays de Madian, et s'assit près d'un puits. Or le sacrificateur de Madian, avait 7 filles qui vinrent puiser de l'eau, et elles emplirent les auches pour abreuver le troupeau de leur père. Mais des bergers survinrent, qui les chassèrent, et Moïse se leva, et les secourut, et abreuva leur troupeau. Et quand elles furent revenues chez Réuel, leur père, il leur dit, « Comment êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé abondamment de l'eau, et a abreuvé le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il ? Pourquoi avez-vous ainsi laissé cet homme ? Appelez-le, et qu'il mange du pain. » Et Moïse s'accorda de demeurer avec cet homme-là, qui donna Séphora, sa fille, à Moïse. Et elle enfanta un fils, et il le nomma Gersom, à cause, dit-il, que j'ai séjourné dans un pays étranger. Or il arriva, longtemps après, que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël soupirèrent à ça, usent de la servitude, et ils crièrent, et leur cri monta jusqu'à Dieu, à cause de la servitude. Dieu donc ouït leurs sanglots, et Dieu se souvint de l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi Dieu regarda les enfants d'Israël, et il fit attention à leur état.